Chapitre 14. Le sauveteur. Les cavaliers poussèrent de l'avant, cherchant à travers le bois l'ennemi dont ils avaient subitement perdu le contact. Ils arrivèrent bientôt sur le bord du torrent que les outlaws avaient déjà traversé. Dans l'obscurité, l'espace qui séparait les deux rives paraissait un abîme béant, et c'eût été folie, semblait-il, de se précipiter vers la muraille d'arbres et d'arbrisseaux qui se dressaient sur l'autre bord. Il n'y en eut que deux qui tentèrent le saut. Peut-être avaient-ils pris la berge à l'endroit le plus favorable. Toujours est-il que le major Bolton lança résolument son cheval dans ces ténèbres inquiétantes. Il aborda sain et sauf de l'autre côté, suivi de près par Harper Clyde. « Suivez, suivez !» criait le major, sans jeter un regard derrière lui, mais courant droit sur Mendez le Mexicain, dont il apercevait la haute stature dans la nuit moins opaque. « Hola, Quar, hola » lançait-il de tous ses poumons. « Je vous connais, Mendez, tournez-vous et faites-moi face, ou je vous forcerai comme un renard. » Quelque chose de plus que la lueur farouche des batailles brillait dans les yeux du major Bolton, et il jetait ses paroles au Mexicain avec l'énergie d'une haine concentrée et mortelle. Il ne leur fallut à lui et à Harper Clyde que quelques moments pour traverser le reste du petit bois derrière les bandits, mais alors, au commandement de leur chef, ceux-ci firent volte-face et se précipitèrent sur eux comme une meute de loups affamés. Deux hommes contre une vingtaine ou plus, surtout les pistolets vides, ne pouvaient guère résister même au simple poids du nombre. Le cheval de l'officier tomba percé d'une balle, et le major Bolton fut lancé à terre, la tête la première sur le chemin de la horde en mouvement, tandis que le mustang de Harper Clyde butait et tombait en un tas sur l'autre animal. Mais ce n'était pas pour rien que Clyde avait passé la plus grande partie de sa vie assis sur une selle. Lorsqu'il vit qu'il allait être démonté, il se dégagea les pieds des lourds étriers recouverts de cuir et sauta lestement à terre. Puis, se portant en quelques enjambées à côté de l'officier étendu, il saisit son sabre que le choc de la chute avait fait sortir à demi du fourreau, et faisant le moulinet autour de sa tête, il abattit le premier des outlaws qui s'avançait, puis il se tint là, rempart vivant, seul contre tous. Une seconde d'hésitation de sa part, et le corps du major Bolton eût été haché, foulé aux pieds, réduit en une masse méconnaissable. Mais pendant cette seconde décisive, il arrêta l'ennemi, et cela suffit pour sauver une vie humaine, car, sans un mot d'avertissement, sur le flanc des bandits du côté de la plaine, surgirent comme des anges vengeurs, trois hommes seulement, dont les balles semèrent la mort parmi cette troupe compacte, et qui, après leur première décharge, poussèrent des cris de guerre perçants pour augmenter encore l'alarme. À ce moment, les soldats, qui étaient descendus de cheval pour traverser le torrent, et qui s'étaient formés en ordre serré, arrivèrent au pas de charge au secours du major. Cette intervention décida pour cette fois l'affaire. Les bandits tournèrent les talons comme un seul homme, Mendez en tête, et se mirent à fuir à travers la plaine, abandonnant leurs morts et leurs blessés. Le major Bolton, qui n'avait été que momentanément étourdi par sa chute, se releva aux acclamations de ses hommes qui se pressèrent autour de lui. Continuer la poursuite à pied était hors de question, et le lieutenant Bride désirait recevoir les ordres de son supérieur avant de faire aucun mouvement. La première chose qui frappa les yeux du major Bolton fut Harper Clyde appuyé sur son sabre d'ordonnance. Une balle de pistolet lui avait percé l'épaule, mais bien que le sang coulât de la blessure, il ne semblait pas que ce fût très grave. « Tous mes remerciements, mon jeune et brave ami, » dit le major en s'avançant la main tendue. « Vous avez eu le courage de me suivre quand j'ai fait ce saut qui était une folie, je le vois maintenant. Et au moment critique, vous ne m'avez pas abandonné. Vous m'avez sauvé la vie, j'en suis persuadé. Dans l'avenir, vous ne me trouverez pas ingrat. « Je vous remercie, monsieur, » répondit Clyde en saisissant la main que le major lui tendait. « Mais il y en a trois là-bas qui, j'imagine, nous ont sauvés l'un et l'autre. Je vois parmi eux un homme des plaines bien connu, Delaware Dave, avec qui je me suis rencontré jadis sur des pistes, et Ralph Duncan, le jeune homme, qu'il y a de cela des années, rendit à Madge le service que je vous ai dit. Mais l'autre, ce magnifique gaillard de si belle mine, je ne le connais pas. » Et Harper Clyde désigna le trio dont l'élan impétueux, au moment où tout était perdu, les avait délivrés, lui et le major Bolton. Si Buffalo Bill et Ralph avaient en effet pris le mauvais côté du cours d'eau, comme ils le pensaient, la chance voulut que ce fût le bon à la fin, car sur l'autre, ils n'auraient pas vu la situation désespérée du major et de Clyde. Ils ne s'étaient pas amusés à supputer les risques, mais Buffalo Bill avait dit à Ralph « Allons, mon garçon, il faut entrer là-dedans et les sauver. » Et le brave Pard de Buffalo Bill avait éperonné son cheval pour ne pas rester en arrière, pendant que le scout de Lower Dave, qui était aussi de ce côté du torrent, les apercevait et les suivait au combat. Les outlaws, qui n'attendaient point d'ennemis par là, ne se rendirent pas compte du nombre d'hommes qui leur tombaient dessus et s'enfuirent en désordre. Aux paroles de Harper Clyde, le major Bolton se retourna et vit les trois libérateurs qu'on lui signalait. « Oui, l'un est le brave de la Ware Dave, mon éclaireur. Le jeune garçon, je ne le connais pas, mais par le fils de l'homme, le troisième est William F. Cody, chef des éclaireurs de l'armée, Buffalo Bill. » « Est-ce possible, monsieur ? Se peut-il que ce soit réellement Buffalo Bill, le fameux scout du Nord-Ouest ?» fit Clyde. « Oui, nous avons servi jadis dans le même fort ensemble, c'est Buffalo Bill. » Et faisant quelques pas en avant, le major Bolton s'écria « Eh, Cody, toujours à votre œuvre de sauvetage, mais au Texas cette fois ? J'ai à vous remercier, car je vous dois la vie. » « Major Bolton, je suis vraiment heureux de vous voir et de vous avoir rendu service. »« Qu'est-ce que vous faites au Texas, Bill ?» « On m'a envoyé ici, monsieur, pour m'emparer d'un déserteur connu sous le nom de Brazos Bill. J'ai entendu parler de lui comme d'un enragé. Ce sera une capture difficile à faire. Elle est faite, monsieur. Il est déjà votre prisonnier. » « Il fallait le prendre mort ou vif, Major Bolton, alors je l'ai pris mort. »« Bon, ça. Vous avez rendu la frontière du Texas un fameux service. »« Mais voici, Mr. Clyde, un rancher qui vous doit aussi la vie à vous et à Delaware Dave, que je désire remercier. » De même que ce brave garçon. Quel est votre nom, mon jeune et vaillant ami ? Ralph Duncan, monsieur, pâtre, trappeur, chasseur, et maintenant le jeune Pard de Buffalo Bill. Alors vous êtes en bonne main, sûrement. Mais, Cody, que faut-il faire à présent ? Car lorsque vous êtes sur la même piste que moi, je sais à qui m'adresser pour avoir de l'aide et un conseil. Suivre le diable rouge jusqu'au bout, monsieur. Quoique je sois un étranger au Texas, « je me suis engagé à rester pour aider mon petit Pard à délivrer quelques prisonniers qui lui sont chers. »« Oui, Major, Mrs. Dennison et Wild Madge, » dit Harper Clyde. « Wild Madge ?» fit le Major. « Elle est aussi sauvage que son nom ?»« Wild Madge, Madge la sauvage, c'est bien le nom sous lequel elle est le plus généralement connue. Mais je puis vous certifier qu'il n'y a pas de plus charmant spécimen du beau sexe dans toute la vallée du Brazos, sur tout le parcours duquel elle est sans conteste la plus belle. » Le major examina d'un œil pénétrant le jeune homme, négligemment penché sur sa selle, écoutant Delaware Dave et Buffalo Bill, qui cherchaient à s'expliquer les complications étranges au milieu desquelles ils évoluaient à tâtons. Ralph avait un visage juvénile, il est vrai, mais ses formes étaient à ce point précis où une vigoureuse adolescence se change en une robuste et généreuse virilité. Comme il était là, dans la clarté de la lune qui venait de se lever, il présentait réellement une admirable image de la jeunesse. Il s'en fallait d'ailleurs qu'il fût aussi insouciant que son attitude semblait l'indiquer. Tout en écoutant les deux scouts, il tournait et retournait dans son esprit le mystère de la disparition des Indiens, qui intriguait beaucoup de la Ware Dave. Tout d'un coup, une explication lui apparut toute simple. « Les Comanches se sont esquivés et ont laissé Mendez combattre pour eux » s'écria-t-il. « En tout cas, il faut nous hâter de trouver leur piste ou il sera trop tard. »« Allons, Ralph, il n'y a pas de temps à perdre » dit Cody. Mais à ce moment, Harper Clyde s'approcha et étendit la main pour demander un instant d'attention. « Votre avis était bon, Ralph. Plût à Dieu que j'eusse mis plus de hâte à en profiter. Le major Bolton voudrait vous parler, et moi je voudrais bien savoir si vous avez été heureux dans votre rencontre avec Damon Reeves. Peut-être étions-nous injustes envers lui ?»« On ne peut pas être injuste envers lui. C'est un plus noir coquin que je ne le rêvais. J'en peux jurer. Voici votre sac. » « Tout ce qui s'y trouve en plus de votre argent appartient à Friars Frank. Nous n'avons pas eu le temps de compter exactement, et il peut y avoir quelque erreur. Pour le reste, que le major Bolton attende que nous ayons terminé notre poursuite. Ce que Dave ne peut pas lui apprendre sur les Comanches, qui sont à vrai dire son propre gibier, ne saurait avoir beaucoup d'intérêt. Mais il peut compter qu'il nous reverra, Mr. Cody et moi. Si cela ne nous fait pas perdre de temps, nous vous rejoindrons bientôt. » Le major Bolton essaya vainement de retenir l'impétueux jeune homme. Buffalo Bill et lui s'éloignèrent du gros des soldats, et s'étant retournés au bout d'une centaine de mètres, ils virent que Harper Clyde venait derrière eux. Les soldats ne pouvaient se mettre en marche immédiatement, car ils avaient quelques morts et un assez grand nombre de blessés, et la simple humanité voulait qu'on donnât au moins un coup d'œil aux bandits, dont les gémissements de douleur réveillaient de lugubres échos dans les ténèbres du petit bois. Les trois éclaireurs continuèrent donc leur route sous la clarté lunaire, à la recherche de la piste des Comanches, tandis que le major Bolton restait seul avec sa troupe.